Josué chapitre 13. Or quand Josué fut devenu vieux, fort avancé en âge, l'Éternel lui dit, « Tu es devenu vieux, fort avancé en âge, et il reste encore un fort grand pays à posséder. C'est ici le pays qui demeure de reste, toutes les contrées des Philistins, et toutes les Uries. Depuis Sior, qui est au-devant de l'Égypte, même jusqu'aux frontières d'Écron vers le septentrion, cela est réputé des Cananéens, savoir les cinq gouvernements des Philistins, qui sont celui de Gaza, celui d'Asdo, celui d'Askelon, celui de Gath, et celui d'Écron, et Léovien. Du côté du Midi tout le pays des Cananéens, et Méhara qui est au Sidonien, jusqu'vers Raphaël, jusqu'aux frontières des Amoréens. Le pays aussi qui appartient aux Gibliens, et tout le Liban, vers le soleil levant, depuis Baalga, sous la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'aux eaux de Masrephoth, tous les Sidoniens, je les chasserai moi-même de devant les enfants d'Israël, fais seulement qu'on en jette les lots, afin qu'elles soient à Israël en héritage, comme je te l'ai commandé. Maintenant donc divise ce pays en héritage aux 9 tribus, et à la moitié de la tribu de Manassé, avec laquelle les Rubénites et les Gadites ont pris leur héritage, lequel Moïse leur a donné au-delà du Jourdain vers l'Orient, selon que Moïse serviteur de l'Éternel le leur a donné, depuis Aroé, qui est sur le bord du torrent d'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plat pays de Médéba, jusqu'à Dibon. Et toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'aux limites des enfants de Hamon, et Galara, et les limites des Gézuriens et des Maacatiens, et toute la montagne d'Hermon, et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'eau en Basan, lequel régnait à Astaroth, et à Edrei, et était demeuré de reste des Réphaïm, lesquels roi Moïse défit. Et les déposséda, or les enfants d'Israël ne dépossédèrent point, les Gézuriens et les Maacatiens, mais les Gézuriens et les Maacatiens, ont habité parmi Israël jusqu'à ce jour. Seulement il ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, les sacrifices de l'Éternel, le Dieu d'Israël, fait par feu étant son héritage, comme il lui en avait parlé. Moïse donc donna un héritage à la tribu des enfants de Ruben selon leur famille. Et leurs bornes furent depuis Aroé, qui est sur le bord du torrent d'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plat pays qui est près de Médéba. Hesbon et toutes ces villes, qui étaient au plat pays, Dibon, et Bamot-Baal, et Bet-Baalmon. Et Jatsa, et Kedemot, et Mephat. Et Kirjatajim, et Sibma, et Tseretsar en la montagne de la vallée. Et Bet-Peor, et Asdod de Pisga, et Bet-Josimot. Et toutes les villes du plat pays, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens qui régnait à Hesbon, lequel Moïse défit, avec les principaux de Madian, Évi, Rekem, Sur, Ur, et Reba, princes relevant de Sion, et habitant au pays. Les enfants d'Israël firent passer, aussi par l'épée Balaam fils de Béor, le devin, avec les autres qui furent tués. Et les bornes des enfants de Ruben furent le Jourdain, et sa borne. Tel fut l'héritage des enfants de Ruben selon leur famille, savoir ces villes-là, et leurs villages. Moïse donna aussi un héritage à la tribu de Gad pour les enfants de Gad, selon leur famille. Et leur pays fut Jazé, et toutes les villes de Galaa, et la moitié du pays des enfants de Hamon, jusqu'à Aroé, qui est vis-à-vis de Rabba. Et depuis Hesbon jusqu'à Ramat Mitzpé, et Bétonim, et depuis Mahanajim jusqu'aux frontières de Débir. Et dans la vallée, Bet-Aram, et Bet-Nara, et Sukkot, et Tsaphon, le reste du royaume de Sion roi d'Hesbon, le Jourdain, et sa borne, jusqu'au bout de la mer de Kinneret, au-delà du Jourdain, vers l'Orient. Tel fut l'héritage des enfants de Gad, selon leur famille, savoir ces villes-là et leurs villages. Moïse aussi donna à la moitié de la tribu de Manassé un héritage, qui est demeuré à la moitié de la tribu des enfants de Manassé, selon leur famille. Leur pays fut depuis Mahanajim, tout Basan, et tout le royaume d'Au, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr qui sont en Basan, 60 villes. Et la moitié de Galaa, et Astaroth, et Edrei, ville du royaume d'Au en Basan, furent aux enfants de Makir, fils de Manassé, savoir à la moitié des enfants de Makir, selon leur famille. Ce sont là les pays que Moïse étant dans les campagnes de Moab, avait partagé en héritage, de ce qui était au-delà du Jourdain de Jéricho, vers l'Orient. Or Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, car l'Éternel le Dieu d'Israël a leur héritage, comme il leur en a parlé.